Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, il y a eu beaucoup de choses qui ont été déjà dites maintenant, mais je vais essayer d'apporter quelques aspects nouveaux à ces recherches aussi que j'ai faites et répondre à un certain nombre de questions qui restent encore à développer. En effet, je vais tenter de survoler le rôle des deux principales présidences du Conseil par rapport à un projet de confédération danubienne. Les décisions prises par ces deux gouvernements, c'est-à-dire Clemenceau et le gouvernement Millerand, vont être décisives pour le futur de l'Europe centrale. Je vais surtout insister sur l'aspect géostratégique de cette réorganisation de l'Europe centrale qui, par ses déficiences, ont conduit aux conséquences que l'on connaît. Un vide que les puissances montantes de l'Europe du XXe siècle devaient remplir avec le nazisme et le communisme. Nous connaissons le caractère de républicain laïciste et anticlérical zélé de Clemenceau, comme nous l'avons vu avant. Il est connu pour avoir été très sévère avec les deux empires centraux après la guerre. Mais quelle fut sa politique pendant et juste après la guerre? Le dernier empereur d'Autriche et roi de Hongrie, Charles Ier, avait envoyé plusieurs émissaires avec pour mission de prendre contact avec les Français pendant la guerre, comme nous l'avons vu. Le plus connu d'entre eux fut son propre beau-frère, le prince Sixte de Bourbon-Parme, et une des plus fameuses tentatives de paix séparée de la Grande Guerre est appelée l'affaire Sixte, comme on l'a aussi vu avec la présentation de Madame Demerlet. Sixte eut plusieurs entretiens avec les Français et avait remis une lettre de l'empereur au président Poincaré en mars 1917, où il proposait d'intervenir auprès de l'Allemagne pour qu'il rende l'Alsace-Lorraine. Le ministre des Affaires étrangères de l'Autriche-Hongrie, Ottokar Tchernin, expliqua publiquement que la raison de l'échec des négociations fut que Clemenceau revendiqua l'Alsace-Lorraine. Alors, Clemenceau publia cette lettre de Charles où il proposait de mettre tout son poids auprès des Allemands pour qu'ils rendent l'Alsace-Lorraine à la France. Mais il ne faut pas oublier que l'échec des négociations s'explique aussi par le fait que Clemenceau avait hérité de ses pourparlers avec Charles, de ses prédécesseurs Ribou et surtout Aristide Briand, qui était son grand adversaire politique et qui avait aussi négocié secrètement avec l'Allemagne. Cette affaire Sixte, il avait négocié avec l'Allemagne, c'est l'affaire Lanken. Ce qui prédestinait en quelque sorte ces négociations à l'échec. En effet, Clemenceau était un va-t-en-guerre juste au boutiste qui voulait se battre jusqu'à la victoire, peu importe le coût en chair à canon, tandis que Briand cherchait une issue rapide à la Grande Guerre. La prochaine étape se passe à Washington, lorsqu'en janvier 1918, le président Wilson déclare dans ses 14 points le développement autonome des peuples de l'Autriche-Hongrie, mais pas sa disparition. Ce qui encourage les Tchèques et les Slovaques en exil à créer le Conseil national tchécoslovaque à Pittsburgh, encouragé par les Américains. Ce n'est pas pourtant les États-Unis qui reconnaissent en premier le Conseil national tchécoslovaque en tant que gouvernement tchécoslovaque légitime. C'est la France, en mai, suivi de la Grande-Bretagne et seulement en dernier par les États-Unis en septembre 1918. C'est en effet pendant ce mois de septembre que Wilson arrive à la conclusion que l'Empire des Habsbourg ne survivra pas. Le 16 octobre 1918, en réponse trop tardive aux exigences de Wilson, Charles déclare la fédéralisation de l'Autriche uniquement, car la Hongrie s'y étant refusée. À la suite de la déclaration impériale, la plupart des peuples de l'Autriche-Hongrie proclament plus que leur autonomie, mais carrément leur indépendance. L'historiographie hongroise considère en général que la sortie de la guerre des Russes à Brest-Litovsk en mars 1918 pousse les Alliés à considérer que l'Autriche-Hongrie, déjà trop inféodée à l'Allemagne, ne leur servira plus et que la décision est prise de la détruire. Ayant signé la paix avec l'Allemagne, la Russie soviétique devient un allié potentiel de celle-ci. Cependant, les alliés estiment à tort que la Russie est devenue trop faible pour représenter un danger pour le futur. Pourtant, c'est depuis ce moment qu'il est devenu essentiel de sauver l'Autriche-Hongrie. Il n'y avait en effet plus d'alliés à l'Est et un nouvel allié devait remplacer la Russie pour recréer l'équilibre européen. À ceci s'ajoutent les échecs de paix séparée avec l'Autriche-Hongrie et l'inféodation de l'Autriche à l'Allemagne à partir du canossin que Charles dut entreprendre en allant s'excuser devant Guillaume II à son quartier général de Spa le 12 mai 1918. On croirait que l'histoire des négociations pour sauver l'Autriche-Hongrie s'arrête là. Il est vrai que l'Angleterre et les États-Unis avaient fermé le dossier autrichien et attendaient son implosion. Mais les archives ont révélé que le gouvernement Clemenceau relança des pourparlers en Suisse en septembre 1918. Clemenceau était impliqué personnellement dans cet effort puisqu'il envoyait un non-diplomate nommé ambassadeur à Berne, Paul Dutasta. Selon les bruits qui courent à Paris à l'époque, et selon le président Poincaré lui-même, Dutasta ne serait autre que le fils naturel de Clemenceau. Si cela est vrai, il ne fait que renforcer le caractère bien confidentiel de la mission de Dutasta et le fait que pour cette mission, Clemenceau devait choisir un homme de toute confiance, ce d'autant plus qu'il avait attaqué les négociations secrètes de paix séparées de Briand. Il ne devait pas, juste avant l'armistice, montrer de faiblesse ou de l'humanité. Une des sources hongroises qui révèle les efforts français est le diplomate austro-hongrois, le baron Gyula Szilassi, qui prétendait que la France essayait secrètement, dès octobre 1918, de tout faire pour sauver la monarchie austro-hongroise. Il dit avoir apporté lui-même in extremis des documents au gouvernement français à Sa Majesté d'Autriche-Hongrie. Les pourparlers continuèrent jusqu'en novembre 1918, jusqu'à la dernière heure avant la signature de l'armistice, mais sans résultat. C'est l'historien serbe Vojislav Pavlovitch, que nous connaissons bien, qui nous révèle une partie des motivations de Clemenceau concernant la formation d'un État slave du Sud. Et je cite ce paragraphe du professeur Pavlovitch. Le ministre des Affaires étrangères, Pichon, avait déjà refusé de soutenir officiellement l'union des Serbes avec les Yougoslaves d'Autriche-Hongrie, sans qu'il y ait accord préalable entre eux. Les alliés, lors de la réunion du Conseil supérieur de guerre, le 31 octobre à Versailles, consacré à l'armistice avec la double monarchie, décidèrent d'occuper les territoires accordés à l'Italie par le traité de Londres. Philippe Berthelot, directeur adjoint des affaires politiques et commerciales au Quai d'Orsay, non seulement n'avait pas soutenu les exigences serbes, mais il considérait que personne ne pouvait demander à la France de renier sa signature du traité de Londres. Le président du Conseil, Georges Clemenceau, avait même, à la demande de son homologue italien Orlando, pris l'engagement le 5 novembre de ne reconnaître aucun État yougoslave avant l'application des clauses de l'armistice. De cette façon, la France accordait incontestablement la priorité aux exigences italiennes, au point que Clemenceau considérait nécessaire que la sauvegarde des intérêts politiques des Serbes exclusivement en Bosnie et Herzégovine et au nord de la Save et du Danube. Il avait même une version complètement différente de l'organisation de l'Europe centrale après la guerre, car quoiqu'il prévoyait la création de la Yougoslavie, il invitait les représentants des Yougoslaves de la double monarchie à considérer la possibilité de s'associer à l'Autriche au sein d'une confédération danubienne. Son intention évidente était d'empêcher l'union de l'Autriche avec l'Allemagne. Fin de citation. Cette vision n'aboutit pas non plus et la Serbie engloba la Croatie et la Slovénie. Bien que les discussions de la dernière chance, qui continuèrent jusqu'en novembre 1918, furent un échec, la mission de Dutasta à Berne et les propos sur le futur d'une Yougoslavie indépendante montrent que Clemenceau pouvait être pragmatique dans sa politique lorsqu'il n'était pas conduit par ses légendaires sauts d'humeur. Il était en effet de l'intérêt de la France de maintenir un État à l'Est qui ne serait ni la proie de l'Allemagne ni celle de l'Union soviétique contre laquelle la France était positionnée comme la force réactionnaire. Le couple impérial francophile-bourbon-Habsbourg pouvait encore être utile à la France, mais la bienveillance passagère de Clémenceau ne l'empêcha pas d'être très sévère à Saint-Germain et à Trianon en dépeçant les empires centraux. Après la guerre, les relations continuèrent entre Charles et la France. Charles écrivait à Poincaré en 1919, puis il reprit contact avec l'ambassade de France à Berne au travers de son attaché de presse à Gunin, qui était déjà en contact avec ses émissaires en septembre 1918. Il lui révéla qu'il voulait construire une politique centre-européenne avec l'appui de la France. Mais cette lettre à Poincaré resta sans réponse. Le départ de Clémenceau en janvier 1920 et l'arrivée d'Alexandre Millerand comme président du Conseil, flanqué d'un fils d'aristocrate fanariote de Roumanie, Maurice Paléologue, comme secrétaire général du Quai d'Orsay, ouvrait une nouvelle perspective pour un projet danubien. Mais quelle était donc la proposition post-guerre, Première Guerre mondiale, de l'empereur lui-même? D'abord, il s'agissait d'une diplomatie commune, puis une armée commune. Enfin, les affaires commerciales, le service postal, le chemin de fer, la navigation et un parlement fédéral commun. Pour le reste, chaque État pourrait avoir son autonomie, sa propre constitution et même sa forme gouvernementale, c'est-à-dire des républiques aussi, puisqu'il y en avait dans le Saint-Empire. Son projet rassemblait au dualisme austro-hongrois avec ses ministères communs. Mais on ne sait pas si ce document avait vraiment atteint la France. En tout cas, dans maintes lettres que Charles avait données à des diplomates français ou à travers Sixte de Bourbon-Parme, ces informations arrivèrent bien en partie au Quai d'Orsay. En 1920, il y eut un tournant essentiel en faveur d'un projet de confédération danubienne. Des discussions sérieuses commencèrent, mais surtout avec le gouvernement de Hongrie, et plus vraiment avec Charles, qui était en exil depuis 1919. Le Quai d'Orsay, maintenant dirigé par Paléologue, montrait un vrai intérêt pour un projet similaire pour l'Europe centrale, dont la Hongrie allait devenir le pivot. Mais il fallait la réunion de plusieurs facteurs que cela ait pu avoir lieu. D'abord, le refus de Charles Ier de Habsbourg, un francophile, de se considérer comme déchu du pouvoir en Hongrie, ce qu'il a effectivement, par cette lettre de démission, mais pas d'abdication, cette condition était tout à fait valable. Le retour en 1919 d'un régime conservateur en Hongrie, suite à la République et à la République des Conseils, puis un changement de gouvernement à Paris en janvier 1920, prêt à utiliser la Hongrie et éventuellement les Habsbourg comme une carte de la France contre l'éventuel Anschluss de l'Autriche à l'Allemagne et comme un rempart contre le communisme. En d'autres termes, Millerand avait décidé que la France devait devenir la force réactionnaire et anticommuniste de l'Europe, ce qui voulait dire qu'aucune diplomatie devait être entreprise avec la Russie bolchevique et qu'elle devait soutenir la Pologne contre la Russie et la Hongrie contre de futures attaques déstabilisatrices du bolchevisme. Mais pour cela, il fallait que la France réalise qu'elle est allée trop loin dans le découpage de l'Europe centrale. Avec le retour des forces conservatrices en Hongrie, une opportunité de reconstruire à partir de la Hongrie s'ouvrait. Une confédération danubienne regroupant les États successeurs de la monarchie était envisagée. La capitale en serait Budapest, la conservatrice, plutôt que Vienne, la socialiste. Ainsi naîtrait une sorte d'empire sous influence française. Millerand laissait clairement ouvert le choix du régime politique. Et je cite, « La France est prête à aider la Hongrie à rétablir l'union avec les pays successeurs de l'ancien empire. L'idéal serait que la Hongrie devienne une république, mais si la France ne l'empêchera pas, si elle choisit la monarchie. » Fin de citation. Les dirigeants du Quai d'Orsay, paléologue en tête, pensaient qu'il fallait réunir tous les petits États successeurs de l'Autriche-Hongrie, y compris les perdants, dans une confédération danubienne de républiques ou avec l'aide des Habsbourg. Les deux concepts coexistaient simultanément au début. On essaya d'abord le premier, puis vu l'opposition des États, y compris celle de la Hongrie, on passait au second. Un plan minimal et maximal est développé. D'abord la Hongrie, Pologne et Roumanie, puis Hongrie, Autriche, Tchécoslovaquie, Roumanie et Yougoslavie. Mais la plus difficile à réaliser devait être le maximal en réunissant les perdants et les vainqueurs de la guerre, les mécontents irrédentistes avec ceux qui les craignaient. Comme il l'expliqua à Benesch, paléologue voit le développement d'une confédération centrée en Hongrie comme un gage de stabilité et une chose nécessaire car la Hongrie se trouve au milieu de la région danubienne et ne peut être ignorée puisqu'elle pourrait être une force explosive et dangereuse pour la région. Le but est donc d'apprivoiser cette force et de la dompter, voire de la conduire si nécessaire. Mais le ministre des Affaires étrangères tchèque, Benesch, et les autres États successeurs convaincus par lui s'y opposent, et vu cette opposition, la disparition de l'Autriche-Hongrie devient un regret bien réel, car les États successeurs ne veulent pas suivre le plan politique de la France. Toutefois, la Hongrie est, elle aussi, difficile à persuader car elle veut surtout des garanties de restitution territoriale avant de signer le traité de Trianon le 4 juin 1920. Ce qu'elle n'a finalement pas eu, donc le plan paléologue de confédération danubienne perd sa force de conviction sous l'effet du traité. Les Hongrois attendaient des rectifications de frontières et espéraient que le plan paléologue leur apporterait une certaine compensation territoriale. Réalisant que les promesses de compensation en échange d'une reprise d'un grand segment de l'économie hongroise par la France étaient sans fondement, la Hongrie se désintéressa du plan et le dossier fut rangé juste avant le départ plutôt précipité de paléologue du Quai d'Orsay en automne 1920. Cette politique de la France poussera le ministre Benesch à organiser la petite entente, une alliance surtout militaire entre la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie et la Roumanie en 1921 pour contrecarrer les plans du Quai d'Orsay et évidemment une restauration éventuelle de Charles de Habsbourg qui a été couvert par Madame de Merlet. En guise de conclusion, nous pouvons affirmer que cette période est une constante de la politique française dans son souhait de maintenir l'Autriche-Hongrie sous une forme ou une autre, comme cordon sanitaire ou glacis, afin de compenser la disparition de l'allié tsariste à l'Est. Nous voyons que malgré l'hostilité des dirigeants français à l'Autriche-Hongrie, il y avait des intérêts géostratégiques qui primaient parfois sur leur subjectivité envers les États vaincus. Il est à déplorer que la France ne se soit pas donné les moyens de changer la carte de l'Europe à son avantage géostratégique pour défendre son précaré. La confédération danubienne de Charles et plus tard de son fils l'archiduc Otto furent souvent des projets concrets posés sur les tables de négociation comme une alternative possible, mais elles ne furent jamais réalisées. Merci beaucoup de votre écoute.